Yes, yes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à ce 52e épisode du désormais trop ou très célèbre No For Grooves Eclectic Show. Voilà, donc toujours présenté par la Société des Ambianceurs. Ce soir, Petit Bizet va essayer de vous ambiancer comme il se doit avec une fine, très fine, légère sélection Congo Latino. Des morceaux vraiment ce que diraient les anglo-saxons early rumba des premières années. Ça va osciller là début des années 70, donc ça va être vraiment latin. Du Dr Nico, du Taboulé comme là j'ai pu mettre en guise d'introduction, du Rocomambo, Luke Jazz et plein d'autres, dont l'orchestre Mass Media que nous allons écouter en guise de première track avec la chanson Nzambe Asalangai Boye de l'orchestre Mass Media. J'ai plus l'année exacte excuse d'avance parce que le début du morceau crépite un peu. C'est un vieux vinyle que j'ai trouvé au Congo. Voilà, donc j'espère que vous allez passer un excellent début de soirée en notre compagnie. Voilà, donc on est parti. No For Grooves Eclectic, musique incendiaire pour mélomanes, pyromanes. Ok. Toko wela mobali ngai nananyo mobali to yebana na sela ya kelasie mobali to yebana na yena tele toko kufela nilio batanga kikombo na ngai mingi batanga kikombo na ngai mingi baba na weyo Toko wela mobali ngai nananyo Mobali to yebana na tela ya kelasie Mobali to yebana na ye na tene Toko kufela ninyo Yona nani ye mama e Yona nani ye mama e Balo baka basi babanda kamibali Oya ngai Fatuma ebanda bomwana toko swana tina ninyo Yona nani ye mama e Yona nani ye mama e balobaka basi babanda kamibali Oya ngai Fatuma ebanda bomwana toko swana tina ninyo Bandaki bomwana nazalaki nano na kenzo lelo toboti banda tokolisi toko wela yo nanani ye papa motema molingi se yo e Fatuma ibale bandaki bomwana nazalaki nano na kenzo lelo toboti banda tokolisi Toko wela yo nanani e papa ma Motema molingi kaka yo e sheri Libale bandaki bomwana Nazalaki nano na kenzo Lelo toboki bana toko lisi Toko wela yo nanani e papa Bilomela ya bato nalataka te matue Mobali toko wela ngai na na ye to banda bo mwana o oh oh oh tambe akala ngai boye mo oh oh oh toko wena yo na nani ye chéri bote mamoli ikaka yo e chéri libale banda ki bo mwana nazala ki na no na kenza oh oh oh lelo to boti banda to polisi oh oh oh toko wena yo na nani ye papa motema mo poni te yo e chéri e nana pise le kapona yo mama e oh oh oh nzambe asala ngai boye ho oh oh oh toko wena yo na nani ye papa motema mo lingi kaka yo e chéri ale banda ki bo mwana nazala ki na no na kenza oh oh oh lelo to boti banda to polisi oh oh oh toko wena yo na nani ye papa solo Mwana ya mami watsa oyele lona fonde nangai Yoka na koye bisayo Oh baby si ba chance ya bombengo Ba chance ya kofanda nangai Oh you you You you oh ya mwana Yone kuhose na boye ngoli sana mape Sango se sango na biso Piansa yo be makasi Ibala toko sala Nambule koya Oyo nero kuta Oyo yo ya monte ma mwangai Na boy fantasy ya bolingo Na lo kaki yo na la kaki E la kate Na linge na yeba Tina nini Panti sangolo kuta Oh yo yo ya mabanzo mangai Oh yo yo yo yo ya mwana moke Ngai na kotuna Mwana nini Samuniki Iki mambo mono mekusalange Ngai yo yo Thank you. ma mwangai na boy fantasia bolingo na lokaki ona na kaki ela katre na likina yeba tina nini samoniki iki mambo mono meko salange ayoyo Hop là. Hop là, de retour en direct. Ben voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce, on va dire ce tout petit premier segment là, donc histoire vraiment de vous familiariser avec l'ambiance de la, vraiment l'ambiance de la soirée. Vraiment, donc je vous disais, un early rumba, c'est très latin. Pas de soukous, pas de ndombolo, pas de kwassa kwassa. Ça va vraiment osciller. Le Congo va vraiment parler. Espagnol. Voilà, donc juste avant, nous avions Grand Calais, l'African Team, et Suspirito, donc chanson qui était 100% dédiée donc à Georges Soussin, créateur de du tout puissant hockey jazz et des bantous de la capitale. Donc, rien que ça. Qui a vraiment œuvré pour faire en sorte que les deux Congos soient reconnus culturellement autant en Afrique que de par le monde. Et il me semble qu'il y est arrivé de plutôt belle manière. Et juste avant, nous avions Yu-Yu de l'orchestre Los Nicolos. À venir de la Frisa internationale qui tourne à la plage entièrement instrumentale. Voilà. Ça fait du bien, donc je vais la laisser un petit peu. Très grosse dédicace au groupe Facebook de Ségur Rumba. Voilà, tonton, tantine, cousin, cousine, tout ça c'est pour vous. Faites-vous plaisir ce soir. J'espère vraiment que vous passez un excellent moment. Pour tous les autres aussi. Voilà, donc un 100% Congo Latino. Présenté par la Société des Ambianceurs. na kopanza na tike na kiyambi beko oh batela na kena kozonga na zai oh sali mama ya bana banza kanga kanisanga tala pa foto usika na kei na kobosa na tem kasi totika ni lelo toka bwani chuchu ye ye ye ye ye oh nasima opanza kanga ukatanga motemba chuchu ye ye ye ye ye oh tosimie tosimie tosimie Chuchu ye ye ye ye ye oh Mokumba ya bana na tikeli yo e boma o batela samba, na boinde ko samba, epa ya bazuzu. Ponga na lingaka yo mingyo, yo moko yebi koninyo. Na boinde bayeba, epa ina bino. Oyo oligaka ngai mingyo, toki bako yeba mobali yango. Nalinginde bendifa, epa ina ngabandeko. Ponga na sengi saka yo mingyo, toki bako yeba l'amour nanga. Téléphone téo, no kiba koyeba. Ponga na bimaka de mingyo, no kiba koto na gaina zero wi. Na lingi nde opamba, na mobali na yo. Poto meseni mbigyo motema, noki akobela maladia susi. Na lingi tofingana, lokola moto nyonso. Kona lingi bayeba tatebo, noki bakofunda na tipe na yo. Na lingi netokima, ata na Brazzaville. Soki pe bayogi baka mwa, noki bakosala biso banke. Ni ga mi bali ba koyange, ay kona mela mi nagi na boka Oh! Kimbele, hello, Kimbele, mom, Kimbele, love you, mama. Ça, c'était super lourd, voilà. Donc Bavon Marie pardon, le petit frère du regretté Franco Luambo Macchiadi, voilà, qui est décédé très tôt dans les années 70, voilà, qui est décédé dans un accident de voiture, alors qu'il surpassait son frère en tant que guitariste, donc c'est pas rien. Franco, c'est l'un des guitar héros les plus émérites que justement l'histoire de la musique ait pu compter. Et voilà, donc qui est mort vraiment très jeune. Bavon, qui est mort très jeune malheureusement. Mais heureusement, une partie de son travail nous est parvenue jusqu'ici. Donc là, c'était Ibangan Ali Bouma, partie 1 et 2 de Bavon Marie et l'orchestre Negro Succès. Et j'en profite pour passer une grosse dédicace à mon poteau Jairo del Tumbao del Rioba. Santiago Santi, une grosse dédicace à toi aussi. Voilà les gars, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. J'ai écouté un petit peu votre émission samedi, les gars, c'était du lourd, je me suis régalé. Du coup, j'ai hâte d'être à samedi prochain pour encore me délecter de votre musique si mielleuse et suave comme ça. Franchement les gars, changez pas, vous êtes au top, vous faites super plaisir. And of course, a special shout out to my bro David Arbeola Barrios from Facebook. This one is for you, my man. So take it easy, just chilling with us. We're about to continue to play good tune, good song, 100% Congo Latino. Special shout out for you from Switzerland, Geneva. Hi, just take care, baby. Okay, et pour nous là, on va repartir avec un petit, on va repartir avec un Sekele Omani de Robin, ouais, une petite rumba lingala. C'est une track qu'on trouve sur l'Afrique Danse numéro 2. C'est un disque où il y a énormément de Taboulé Rochereau et de Johnny Bokelo et l'orchestre Congas. Voilà, on va se faire plaisir tout de suite avec Robin. C'est parti, No Form Rules éclectique, musique incendiaire pour Méloman Pyroman, le 8e épisode du 100% Congo. C'est parti. Mmh. Yeah. Moti lokola kana kolala ah mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa nani akolelaka na koyeba te otita na milela iwaya zamba soki peli waya mboka iwaya mpasi soki peli waya mayo mama mokolo na kokufa Mokolo na kokufa ngai motu ya pauvre Nakanisa ida mwasi na bala Nakanisa kaka bano yo na bota Nasepela kaka mpasi ya mokili esali kotikala Mokolo na kokufa Mokolo na kokufa ngai motu ya mbongo Nakanisa falanga mingyo yo na tiki Nakanisa lopango na baka mingyo Nakanisa bananga na tinda na poto mama Mokolo na kokufa Mokolo na kokufa ngai motu ya kwiti Nakanisa kopo ya masanga nanga Nakanisa nini kakasuka ya sansa Tango na melaka ngai na baninga Ah mama Mokolo na kokufa Mokolo na kokufa ngai mwasi ya ndumba Nakanisa nini kakaferika nanga Nakanisa nini kakabila mananga Nakolela kaka Afrika fiesta epika la mama Mokolo na kokufa Ezali zuwa se ya mobilete na yo Ayoka ki na bandana yo azali koye bisanga ye ye alobi Mobilete basombeli yo na mobali akapinga Yo samaringa na ayoka ki yango na yebisi yo Imana Kiti mavi, Zete mavi, Kisi mavi, Mpiola. Banga imana, banga imana, banga imana, banga imana, imana imana matiti mabeo banga imana, imana imana matiti mabeo banga imana. Opi, Osangopie, Beje, Major, Osi, Opera Komi, Bamba. En avant. Banga deringa, banga deringa, banga deringa, banga deringa. Imana imana matiti mabeo banga imana. Imana imana matiti mabeo banga imana. Otumba. Oglobe. Popol, Piola, Oboelo. Banga deringa, banga deringa, banga deringa, banga deringa. Imana imana matiti mabeo banga imana. Imana imana matiti mabeo banga imana. Bijoutier. Oh. Roboni du Dari. Banga imana, banga imana, banga imana, banga imana. Imana imana matiti mabeo banga imana. Imana imana matiti mabeo banga imana. Banga imana, banga imana, banga imana, banga imana. Imana imana matiti mabeo banga imana. Imana imana matiti mabeo banga imana. Salingai, na bandi kota lanzela nzela cheri diye oyoke langai. Makila manzoto ma baby si motema okeneke mota kona yoki sena sango mama. Na siri na yoki pasio, oh, cheri osukisa. Na siri na yoki pasio, oh, cheri osukisa. Awa esalingai na bandi kota lanzela nzela cheri diye oyokela ngai. Makila manzoto ma baby si motema okeneke motako na yoki sena sango mama. Na siri na yoki pasio, oh, cheri osukisa. Na siri na yoki pasio, oh, cheri osukisa. Banza kanga ye, oh, oh, banza kanga. Tuna kanga ye, oh, oh, tuna kanga. Banza kanga ye, oh, oh, tuna kanga. Tuna kanga ye, oh, oh, tuna kanga. Banza kanga yo, kanga, tuna kanga yo, tuna kanga, banza kanga yo, banza kanga, tuna kanga yo. Peolota mokili moja lingonga e mwana mama wa bolingo onya kapeo baza sala kapeolota mokili moja lingonga e mwana mama wa bolingo onya kapeo baza la capeolota mokili moja lingonga e mwana mama wa bolingo banza na la capelota mokili moja lingonga e mwana mama wa bolingo tokende mbangu mbangu tedi dudu wangai mokili moja lisengonga e sala o banza olata yango e mokili moja lisengonga e tokende mbangu mbangu tedi dudu wangai mokili moja lisengonga e sala obanza olota yangoe mokili moja lisengonga mokili moja lisengonga e sala obanza olota yango e mokili moja lisengonga e tokende mbangu mbangu tedi dudu wangai mokili moja lisengonga e sala obanza olota yango e mokili moja lisengonga del mundo con una grande alegría.

na tubela oh. Ale kisanga tubela na kominde kosuluka libala telefone oh. Aluka nganga kisi akangelanga pungu. Akangelanga pungu na kominde kolembe libala yago. Aluka nganga nzambe oh ale kisanga tubela oh. Ale kisanga tubela na kominde kosulu kalibala telefone oh. Banyo nyama banyama oke loko. Thank you. En direct pour faire un léger petit pont tracklist, parce que là quand même j'ai balancé pendant à peu près une heure. Juste avant, nous avions le merengue conga jazz de l'orchestre conga jazz, le merengue président du Dr Nico de l'African Fiesta. Donc ça c'est clairement l'une de mes chansons préférées de cette période là. Ensuite nous avions Antoinette de l'orchestre Les Trois Caballeros, Bolingoya Telephone de Los Nicolos, Panchita du Rocamombo, Mokili Ndonga de Grand Cali et l'African Jazz, le Soukissa de Dr Nico, l'orchestre African Fiesta, le Banga Imana de Roitelet et Roger. Donc ça c'est les années 50, vraiment à l'époque on avait encore Olivera, Wendo et Paul Mwanga, vraiment qui se tiraient la bourre de partout dans le Congo, dans les deux Congos, et puis même un petit peu au-delà aussi, hein, parce que très tôt la musique congolaise a su s'exporter. Donc ça c'est vraiment des années 50. Et avant ceci, nous avions le Sekele Omani de Robin. Non, pardon. Avant le Roger, on avait le Roitelet Roger, on avait le 4 boutons de Franco. Franco, donc Franco à l'époque il sortait encore ses chansons soit sous orchestre Franco ou sous Franco. Il a mis quand même un petit peu de temps justement donc, à signer toutes ses productions d'orchestre tout puissant. Avant le Franco, nous avions le Sekele Omani de Robin et donc le très funky Libangana Libuma. Partie 1 et 2 de Bavou Marie-Marie et l'orchestre Nez Gros Succès. Voilà, bah là on va gentiment entamer le dernier segment. J'espère que vous avez vraiment passé un excellent moment en notre compagnie. Voilà, donc c'était ce 100% Congo présenté par la Société des Ambianceurs. Petit bisous ce soir. Vous savez, hein. Musique incendiaire pour Méloman Pyroman. C'est plaisir avec ce Maria Maria de Taboulé. On va se mettre un petit taboulé de toute manière là pour repartir. Là. On va se mettre un petit. Allez, Anna Mokoy, ça me dit bien ça. Petit baiser pour la Société des Ambianceurs. C'est parti. Taboulé Rochereau, Anna Mokoy. Oka. Metienne, oh, colote, oh, colote, oh, Enana sabi amour. Mais il m'a battu Enana sabi amour. Mais ben me allez les loups, Nenanga sabi amo Nde akwa ne wala katyenke Nenanga sabi amo Nenanga sabi amo Mekie batandire Nasaliyo eloko teo Boni yoko kananga imoninga Sokini kambwe jali ebisanga Tobongisa yango po esila Soke jali po ya mwasi wana Ngana yeto sito yoka nikala Natuna kialo bia jalio kipeteo Yango wananga inanga nyeyeo Nasaliyo eloko teo Boni yoko kananga imoninga Sokili kambwe jali ebisanga Tobongisa yango po esila Soke jali po ya mwasi wana Kana yeto sito yoka nikala Natuna kialo bia jalo kipeteo Yango wananga inakanyeyeo Ika monini ya keba keba Yoko tonganga na keba na keba Nasali nini ya keba keba Yoko finganga na keba na keba Ikambo nini ya keba keba Yoko tonganga na keba na keba Nasali nini ya keba keba Yoko finganga na keba na keba Keba keba, yoko tonganga na keba na keba. Nasali nini ya keba keba, yoko finganga na keba na keba. Ikambo nini ya keba keba, yoko tonganga na keba na keba. Nasali nini ya keba keba, yoko finganga na keba na keba. Keba keba, lukola keba. Attention. Ikambo nini ya keba keba, yoko tonganga na keba na keba. Nasali nini ya keba keba, yoko finganga na keba na keba. Ikambo nini ya keba keba, yoko tonganga na keba na keba. Nasali nini ya keba keba, yoko finganga na keba na keba. Come on. De la Société des Ambianceurs s'achève. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec ces pistes vraiment early rumba entre le milieu des années 50 et pour la dernière, là, pour la page instrumentale que nous passons, là, c'est 75 si je ne dis pas de bêtises. Orchestra Frisa de Taboulé Rochon, l'homme à la voix de velours. Voilà, donc le précédemment nous avions une track de Salvador, donc vraiment milieu des années 50, Ndumba Sakuba Wata, précédé de Foti Yaye de Gesho. Et bien sûr, le Mayenge Kunga Jazz de l'orchestre Kunga Jazz. Voilà, c'était Petit Bizet de la Société des Ambianceurs. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine, normalement. Je vous prépare dans la foulée en volume 2. Voilà, donc ce sera encore un early rumba. Evening, y'all. Take care of yourself and yours, definitely yours. I have a shout out to Diamond David. This one's for you. Et grosse dédicace à Dominique aussi. Je sais que tu nous écoutes de la UT. Thank you.